de Nicolas Boileau, Les embarras de Paris. Les embarras de Paris. Qui frappe l'air, bon Dieu, de ses lugubres cris? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières? J'ai beau sauter du lit, plein de troubles et d'effroi, je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi. L'un miaule en grondant comme un tigre en furie, l'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Ce n'est pas tout encore. Les souris et les rats semblent, pour m'éveiller, s'entendre avec les chats. Plus importun pour moi, durant la nuit obscure, que jamais en plein jour ne fut l'abbé de Pure. Tout conspire à la fois à troubler mon repos. Et je me plains ici du moindre de mes maux, car à peine les coqs commençant leur ramage auront des cris aigus frappé le voisinage, qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, qu'éveillera bientôt l'ardente soif du gain. Avec un fer maudit, qu'à grand bruit la prête, de 100 coups de marteau me va fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir, tandis que, dans les airs, 1000 cloches émues, d'un funèbre concert font retentir les nues. Et, se mêlant au bruit de la grêle et des vents, pour honorer les morts, font mourir les vivants. Encore, je bénirais la bonté souveraine si le ciel, à ces mots, avait borné ma peine. Mais si, seul en mon lit, je peste avec raison, c'est encore pis 20 fois en quittant la maison. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importuns qui fourmille sans cesse. L'un me heurte d'un nez dont je suis tout froissé, je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Là, de l'enterrement, la funèbre ordonnance, d'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance. Et plus loin, des laquais, l'un l'autre s'agaçant, font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage. Là, je trouve une croix de funeste présage. Et des couvreurs grimpés au toit d'une maison en font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison. Là, sur une charrette, une poutre branlante vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente. 6 chevaux attelés à ce fardeau pesant ont peine à les mouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse en tournant, il accroche une roue et du choc le renverse en un grand tas de boue. Quand un autre, à l'instant, s'efforçant de passer, dans le même embarras se vient embarrasser. 20 carrosses bientôt arrivant à la file, ils sont en moins de rien suivis de plus de 1000, et pour surcroît de mots, un sort malencontreux conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Chacun prétend passer, l'un mugit, l'autre jure. Des mulets en sonnant augmentent le murmure. Aussitôt, 100 chevaux dans la foule appelée, de l'embarras qui croit, ferment les défilés. Et partout, les passants, enchaînant les brigades, au milieu de la paix, font voir les barricades. On n'entend que des cris poussés confusément. Dieu, pour s'y faire ouïr, t'honore événement. Moi donc, qui dois souvent en certains lieux me rendre, le jour déjà baissant, et qui suis là d'attendre, ne sachant plus tantôt à quel saint me vouer, je me mets au hasard de me faire rouer. Je saute vers un ruisseau, j'esquive, je me pousse. Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse. Et, n'osant plus paraître en l'état où je suis, sans songer où je vais, je me sauve où je puis. Tandis que, dans un coin, en grondant, je m'essuie. Souvent, pour m'achever, il survient une pluie. On dirait que le ciel qui se fond tout en eau veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau. Pour traverser la rue au milieu de l'orage, un nez sur 2 pavés forme un étroit passage. Le plus hardi laquais n'y marche qu'en tremblant. Il faut pourtant passer sur ce pont chancelant, et les nombreux torrents qui tombent des gouttières, grossissant les ruisseaux, en ont fait des rivières. J'y passe en trébuchant, mais malgré l'embarras, la frayeur de la nuit précipite mes pas. Car, sitôt que du soir, les ombres pacifiques d'un double cadenas font fermer les boutiques, que, retiré chez lui, le paisible marchand va revoir ses billets et compter son argent. que dans le marché neuf tout est calme et tranquille. Les voleurs, à l'instant, s'emparent de la ville, le bois le plus funeste et le moins fréquenté est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue engage un peu trop tard au détour d'une rue. Bientôt, quatre bandits lui serrent les côtés. La bourse, il faut se rendre, ou bien non, résister, afin que votre mort de tragique mémoire des massacres fameux aille grossir l'histoire. Pour moi, fermant ma porte et cédant au sommeil, tous les jours je me couche avec le soleil. Mais en ma chambre à peine j'éteins la lumière, qui ne m'est plus permis de fermer la paupière, des filous effrontés d'un coup de pistolet ébranlent ma fenêtre et percent mon volet. J'entends crier partout « On meurt, on m'assassine !» ou « Le feu vient de prendre la maison voisine !» Tremblant et demi-mort, je me lève à ce bruit et souvent, sans pourpoint, je cours toute la nuit, car le feu dont la flamme en ondes se déploie fait de notre quartier une seconde Troie, où main grecque affamée, main avide, argien, au travers des charbons, va piller le Troyen. Enfin, sous mille crocs, la maison abîmée entraîne aussi le feu qui se perd en fumée. Je me retire donc, encore pâle d'effroi, mais le jour est venu, quand je rentre chez moi. Je fais pour reposer un effort inutile, ce n'est qu'à prix d'argent qu'on dort en cette ville. Il faudrait, dans l'enclos d'un vaste logement, avoir loin de la rue un autre appartement. Paris est pour un riche un pays de cocagne. Sans sortir de la ville, il trouve la campagne. Il peut, dans son jardin, tout peuplé d'arbres verts, recéler le printemps au milieu des hivers. Et foulant le parfum de ses plantes fleuries, aller entretenir ses douces rêveries. Mais moi, grâce au destin, qui n'est ni feu, ni lieu, je me loge où je puis, mais comme il plaît à Dieu. Satire 6. Note pour l'auditeur. Le mot « E-A-I-S » que l'on rencontre deux fois dans le texte a pour signification une planche de bois. D'où l'expression « renfermée entre quatre « E » » signifiant être dans une bière.